Voici, en 1h10 environ, de larges extraits du roman autobiographique intitulé « L'enfant », écrit par Jules Vallès entre 1878 et 1884. Choix des extraits, résumés et enregistrements de Jean-Paul Alexis, fin mars, début avril 2016.